Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Une émission en deux parties. Une première partie avec des nouveautés qui sont essentiellement des rééditions, mais luxueuses. Il y aura quand même une nouveauté stricto sensu. Et la deuxième partie, eh bien, votre humble serviteur est parti dans la péninsule ibérique et on fera une petite cure de rock andalou. On démarre tout de suite avec une réédition somptueuse du chef-d'œuvre d'IQ qui s'intitule Eva. Une réédition 3 CD, enfin 2 CD et 1 DVD. Je vous propose, chose rare dans Prog à part, et c'est pas que pour la rime, la version live, tout de suite IQ. This is Leap of Faith. Thank you. travel the days of freedom, roads leading everywhere. Come with me now and show how you can. Follow the dying embers, cross on the paths they lay. Thank you. Alors, après IQ, donc cette réédition de Eva, de réédition donc 2 CD plus 1 DVD, donc paru chez nos amis d'Ésotérique, vous avez pu entendre une réédition de Rain Dances du groupe Griffon, si vous préférez. Rain Dances, c'est une compilation de 3 albums du groupe britannique de 73 à 75, et je vous ai passé un morceau extrait de Rain Dances, l'album. Voilà une réédition également double chez nos amis d'Ésotérique. Nos amis d'Ésotérique encore viennent de sortir, ça c'est une nouveauté, un live double de Renaissance. Renaissance, le groupe british préféré de mon ami André François. Eh bien, un live intitulé A Symphonic Journey. Voilà, large morceau un large extrait, vous avez reconnu Ashes Are Burning. On continue dans les petites rééditions, toujours de chez Esoteric, avec le tout premier album de Greenslade remasterisé, avec en deuxième CD des documents live enregistrés à la BBC. Donc tout de suite, je vous propose Greenslade. Thank you. Live aujourd'hui, ça change un petit peu. On me reproche souvent de pas en passer assez. Donc la version live enregistrée à la BBC de cet album de Greenslade intitulé Same Greenslade quoi, qui date de 73 et avec une luxueuse réédition de chez Ésotérique. Ésotérique pour finir avec une réédition de deux albums d'un groupe un petit peu inconnu de par chez nous qui s'intitule Seventh Wave, la septième vague, Seventh Wave. Et je vous propose leur premier album, Things to Come. Ça date de 1975. Chattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple pipe plays his tune, the choir softly sing, lullabies in ancient tongue for the court of the Crimson King. City keys put shutters on the trims. I wait outside the pilgrim store with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson king. Pour faire la transition avec la deuxième partie de cette émission, une reprise bien sympathique par un groupe espagnol, un ersatz, un petit-fils d'un groupe ancien qui s'intitule Pan y Regaliz, le pain et le réglisse, un groupe qui a sévi dans les années 70, 71 pour être plus précis, malgré la répression franquiste. C'est étonnant, mais ils ont réussi à survivre, à vivre, avec donc cet ersatz, un groupe qui s'intitulait Evolution, Evolution. Voilà, ça me permet de faire une petite transition sur ce spécial rock progressif flamenco, le rock andalou. Alors, faut remettre un petit peu les choses en phase. Mort de Franco en 75, novembre pour être précis. Début en Espagne de la Movida, ce qui correspond plus ou moins à mai 68 là-bas. Et s'engouffre dans cette brèche de liberté toute une série de groupes qui ont l'audace de mélanger le flamenco avec le rock et le rock progressif. En tout premier, Triana, c'est le groupe qui aura le plus de succès, qui enchaînera album sur album, jusqu'en 83 avec la mort de Jesús de la Rosa, qui est le claviériste et compositeur et chanteur de ce trio. Voilà, pour Triana, je vous propose un extrait qui s'intitule « En el lago ». Désolé, un petit problème de lecture de CD. Ben, je vous propose tout de suite Alameda. Alameda, c'est un groupe aussi de cette époque. 79, donc Triana démarre en 75. Et donc le boom de ce rock flamenco va entraîner donc une floraison, toute une série de groupes. Et je vous propose donc tout de suite Alameda 79. Aroma de amor. Sky. Apenas si me acuerdo lo ocurrido, un leve destello y ya comienzo a recordar, subía nuestra mente a un país de flores. Corazones no paraban de vibrar, vivimos una aventura de ensueño. Apenas si me acuerdo lo ocurrido, un leve destello y yo comienzo a recordar, subía nuestra meta un país de flores. Commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Alors là, je mets sur le 100, je mets sur le 7, 100.7, et là, normalement, je dois avoir Sol FM. 100.7, Sol FM. Bien, eh ben, je vais relancer Triana en espérant que ça marche. Donc, après Kai, C-A-I, un groupe qui existe toujours. Et avant, vous avez pu entendre Alameda. Donc, Triana, premier album de 75. Thank you. Triana El Lago. Ce groupe a eu tellement de succès, on peut les considérer comme le ange espagnol. Ça a vraiment cartonné jusque malheureusement l'accident de voiture donc de Jesús de la Rosa en 83. Maintenant, on va passer à un des héritiers de Medina Azahara, qui est un des héritiers de Triana. Ils sont presque contemporains, ils ont démarré en 79. Medina Azahara, eux, existent toujours. C'est une version un peu plus métal de ce rock andalou, ce rock progressif flamenco. Voilà, je vous propose un extrait de leur premier album, qui est le plus progressif, à mon sens, qui s'intitule tout simplement Medina Azahara. We'll be right back.

Voilà, j'ai enchaîné juste après donc Medina Zahara, un extrait de Guadalquivir, un groupe jazz, rock, flamenco ou andalous, appelez ça comme vous voulez, qui est bien sympathique, uniquement instrumental, avec des instruments avant. Bon, quelques clés pour comprendre un peu ce rock, hein, donc dit andalou. Donc déjà, vous avez noté le recours à la guitare, flamenco notamment, au rythmique flamenco. Ils ont osé, à l'époque, c'était pas évident, chanter dans leur langue, c'est-à-dire en espagnol. Voilà. Et puis, il y a des clins d'œil, c'est-à-dire que quand on déchiffre, eh bien, on sait par exemple que Triana, c'est un quartier de Séville, que Medina Zahara, c'était le nom d'une villa pour l'émir arabo-musulman de Grenade. Guadalquivir, eh bien, c'est le fleuve qui passe notamment à Séville. Bon, Alameda, c'est une allée d'arbres. Caille, je sais pas. Mais voilà, donc il y a toujours des clins d'œil à ce passé mythique où à Grenade et en Andalousie vivaient en harmonie totale musulmans, chrétiens et juifs. Et à l'époque, ils avaient même dépassé largement l'Europe qui était endormie dans un Moyen-Âge plutôt somnolent. Voilà pour ce petit clin d'œil, cette petite ouverture sur l'Espagne. J'espère que ça vous aura donné le goût de découvrir un peu plus cet univers fabuleux qui est pas très connu malheureusement de l'autre côté des Pyrénées. J'en profite pour donner un petit bonjour à Manuel de Barcelona, elle se reconnaîtra. J'en profite également pour passer aux news. Eh bien, je saute du coq à l'âne, du pétrole à l'âne, comme disait mon grand-père, pour vous annoncer un concert de Riverside. Riverside, les Polonais, ils seront au CCO le 6 novembre. Et si par hasard vous le ratez, eh bien, vous aurez une petite piqûre de rappel le 5 novembre, parce que le 5 novembre, ce sera l'émission du mois de novembre de Prog à part. Voilà, je vous laisse avec quelques autres extraits furtif, rapide de ce rock andalou, avec donc cette fois-ci Mezquita. Oui, enfin, si ça veut bien démarrer. La tierra la vi. Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. Voilà un petit poème pour accompagner cette séquence spéciale Espagne. Vous la retrouverez comme d'habitude en podcast sur le nouveau site. Ce nouveau site que vous retrouverez en lien sur la page d'Acide Dragon, comme d'habitude, .eu. Nouveau site où j'ai mis une foultitude, et j'insiste, il y a plus d'une vingtaine de vieilles émissions de Prog à part. De quoi donc écraser une larme émue sur des vieilles émissions de 2016, 2015, 2012. Voilà, avec notamment la participation d'invités prestigieux, je pense notamment à Franck Carducci, à Olivier Chancrin, à Jean-Louis de la Cruz. Voilà, et je vais continuer à alimenter cette base qui, depuis un petit mois, a reçu plus d'une centaine de visites. On termine avec ce rock andalou, avec un groupe de Madrid. Ils ne sont pas du tout d'Andalousie, mais ils font dans le style. Ils s'intitulent Azahar, Azahar, à ne pas confondre avec Medina Azahara, Azahar, et un groupe un peu plus jeune, et vous allez voir, c'est intéressant aussi. Le volvieran las ganas de vivir y un día me lo ligaron por fumar el regalito de Dios. Al que resistió lo mataron y a otro el juez lo condenó. Pero qué malo. Pero qué malo hay en fumar, señor juez. Pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. Así abusó de su autoridad y un vecino que en su borrachera su señora la mató de una puñalada y unos chicos que estaban fumando a pocas manzanas. Le tocó salir, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, señor juez, pero qué malo hay, pero qué malo hay en fumar, ay, señor juez. Thank you. Voilà, c'était Prog à part, une émission proposée et animée par Thierry Sportouche. Avec exceptionnellement en indicatif le groupe espagnol Iman, I-M-A-N, qui avait été d'ailleurs réédité par la Musea. Hasta luego, amigos.